Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Que s'est-il passé le samedi 14 novembre 2015 à 15h05 pour que se produise le premier accident mortel de TGV que la France ait jamais connu ? C'est la catastrophe d'Equersheim dans le Bas-Rhin. Elle a fait 11 morts et 42 blessés. Un train disloqué, des wagons éparpillés sur des dizaines de mètres. Le TGV testait des vitesses supérieures à la normale. Très vite, l'enquête dénonce une erreur humaine et une vitesse excessive. 2 ans après ce drame, le rapport définitif des experts judiciaires vient d'être publié. Bonjour Marc Fressoz. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des transports. Il s'avère que cette catastrophe obéit à des causes compliquées. Tout d'abord, une cause certaine, la trop grande vitesse. La rame circulait à 265 km par heure au lieu des 176 requis. Mais comment arrive-t-on à faire en sorte qu'un TGV aille trop vite ? C'est le paradoxe. En l'occurrence, le TGV roulait sur une ligne en phase d'homologation et de préouverture au service commercial. Et donc, pour valider les capacités de la ligne, etc., du train à rouler sur cette ligne, on fait des essais de survitesse. Et c'est des essais qui sont calculés pour être 10% à peu près au-dessus de la vitesse maximale commerciale que le train utilisera en temps normal. Et là, le problème, c'est que les calculs ont été mal faits. C'est une erreur humaine hein, par les ingénieurs qui étaient chargés des essais. Et ils ont mal estimé la distance de freinage. Donc, dans la chaîne de commandement à bord du train, il a suffi de quelques secondes pour signaler trop tard l'endroit du freinage pour ajouter à la catastrophe. Il y a 3 enquêtes techniques qui sont en cours. Personne n'est en mesure de dire ce qui s'est passé. Et cet accident n'a aucun précédent dans les 35 ans d'histoire de la grande vitesse française. Ce qui signifie, Marc Fressoz, que le train roulait à 265 km/h au lieu des 176 requis parce qu'on avait dit au conducteur qu'il pouvait circuler à 265 km/h. Ah oui, c'est ça. Oui, il y avait des calculs qui avaient été établis avant les marches d'essai par des ingénieurs certifiés. Et il avait été calculé qu'avec 265, c'était possible ensuite de freiner très rapidement dans la courbe et que ça ne posait pas de problème. Sauf qu'il y avait eu toute une phase de test avec des journées préalables d'essai et la veille ou les jours précédents, les enquêteurs ont retrouvé l'expression de doute profond de la part des équipes de conduite sur le fait que c'était difficile d'atteindre le point de freinage et d'entrer dans la courbe à la vitesse requise. Pour que les choses soient claires, Marc Fressoz, est-ce que ça signifie que ce TGV, il était déjà passé au même endroit à 265 km/h ? Oui, tout à fait, oui, il était passé au même endroit, oui. Mais alors, dans ces conditions, pourquoi a-t-il déraillé cette fois-là, tandis que les autres passages à 265 km/h n'avaient pas entraîné de déraillement ? Alors, il n'y avait pas entraîné de déraillement, mais il y avait eu des alertes. Et on voit dans les enregistrements que les conducteurs disent là c'est passé juste, j'espère que la prochaine fois ça ira, qu'il n'y aura pas de pépins. Et moi j'avais fait une autre hypothèse à l'époque, c'était que cette dernière marche d'essai elle se passait le lendemain des attentats de Paris. Et on peut se demander si les pilotes n'avaient pas l'esprit préoccupé par le drame qui s'était passé, parce que quand on se souvient de l'état dans lequel, de sidération dans lequel tout un chacun était après les attentats de Paris, on peut se dire, est-ce que les conducteurs avaient toutes leurs têtes à ce moment-là ? Ce qui veut dire, pour que les choses soient claires, qu'il y avait eu auparavant des alertes très claires que à 265 km/h, le train passait, mais il passait juste. Voilà, il y avait eu des alertes très claires. En fait, il y a une faille dans l'organisation parce que normalement, les alertes, les petits ratages qui avaient eu lieu la veille et les jours précédents, ils auraient dû alerter, entraîner un débriefing entre toutes les équipes et les responsables qui auraient dû tenir compte de cette alerte et qui auraient dû peut-être suspendre la marche d'essai et recalculer les distances de freinage. Et c'est une chose qui n'a pas été faite parce que le responsable des essais n'était peut-être pas sûr de lui, parce qu'il y a une pression quand même dans le calendrier, il y a un dérapage. Ça signifie que l'ouverture de la ligne, elle est reportée de quelques jours. C'est des recettes commerciales en moins. Des recettes commerciales en moins, ça signifie une dette de SNCF Réseau qui continue d'augmenter. Donc, il y a c'est aussi cet environnement-là économique qui pèse. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt une mauvaise culture du risque, où donc la responsable des essais n'a pas jugé bon de faire pouce, de réfléchir à peut-être revoir le calcul de distance de freinage et l'organisation des essais. Et on peut remonter d'ailleurs un peu les causes un peu plus loin sur cet accident et qui s'inscrit dans une série, puisqu'il y a eu aussi Brétigny, et entre Brétigny et Exersheim, il y a eu l'accident de Tanguin où un TGV et un TER se sont rentrés dedans. Quels sont les points communs justement entre ces différentes catastrophes? Parce que Brétigny, c'était l'entretien des voies, et Exersheim, donc on vient d'en parler, et pour le troisième accident? C'est la perte du savoir-faire en matière de sécurité ferroviaire, c'est-à-dire c'est à peu près l'ADN du chemin de fer. Quand on parle de ferroviaire, on dit « Ah bah oui, la sécurité, c'est ce qu'on cherche en premier à garantir. » Parce que les grandes vitesses sur rail auraient pu faire peur, la sécurité a été poussée à l'extrême grâce à l'électronique. Depuis ce PC, situé à Paris, on peut suivre en permanence tous les TGV et en cas d'urgence les arrêter à n'importe quel moment. Et je pense qu'au fil des ans, c'est l'affaire de décennies, les choses se sont délitées en matière d'entretien des voies, en matière de surveillance. Et il faut ajouter aussi à ça, alors c'est plutôt pour Brétigny et pour Tanguin, la prédominance qu'on a donnée au TGV, c'est-à-dire la construction de lignes nouvelles au détriment de l'entretien du réseau existant. Ça se passe comment, le freinage, l'accélération, le freinage dans un TGV? Qu'est-ce qui se passe dans le poste de pilotage? C'est pas comme dans une voiture où il y a quelqu'un qui tient le volant, qui freine et qui décide de freiner quand il faut. C'est qu'en période d'essai, il y a donc un qui tient les commandes, un autre qui est à côté, puis un autre qui dit en fonction d'un plan de route à quel endroit il faudra qu'il se prépare à freiner et à accélérer. Donc c'est assez complexe. Et oui, parce que donc il y a cette trop grande vitesse qui a été fatale au TGV. Et puis dans le rapport, les experts judiciaires sont extrêmement durs avec la SNCF et sa filiale Systra, qui est pourtant un fleuron de l'expertise ferroviaire. Je vais vous lire un extrait de ce rapport. Systra a confié la définition, l'organisation et la conduite des essais en survitesse, donc ça c'est ce qui a provoqué le déraillement, à du personnel n'ayant pas l'expérience des essais et n'a pas compensé cette inexpérience par une formation appropriée. Avant le rapport d'expertise judiciaire, il y a eu un rapport du BEATT, c'est le Bureau Enquête Accident des Transports Terrestres, qui disait qu'en fait, le fonctionnement de ces essais, ça reposait sur le fait que les gens s'entendaient très bien entre eux. Et là, il y avait des nouveaux dans l'équipe, des gens qui n'avaient pas l'expérience de 10, 15, 20 ans de essais. Et à ce moment-là, ça introduit une sorte de petit bug. Et il y a eu donc malheureusement 11 morts et 42 blessés dans cette catastrophe. Était-ce bien raisonnable d'avoir autant de monde dans cette rame d'essai? On a parlé d'enfants? Oui, des enfants, surtout des conjointes d'ingénieurs. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'était la dernière marche d'essai. Et donc, traditionnellement, il y a un côté festif, un rituel. Et donc, quand on a terminé une campagne d'essai qui signifie l'ouverture de la ligne, on fête ça, on fête l'événement. Et on invite les conjoints, la famille, les enfants. Et dans l'histoire, donc il y a la petite amie d'un ingénieur qui est décédé dans l'histoire. Et donc là, ça montre aussi qu'il y a un problème de responsabilité. C'est-à-dire que finalement, cette équipe d'essai tournait un petit peu sur elle-même en cercle fermé avec des traditions anciennes, traditions cheminotes. Et que finalement, le responsable final, il n'avait pas son mot à dire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des leçons tirées de cette catastrophe? Qu'est-ce que cette catastrophe va changer dans la manière dont la SNCF tente d'organiser pour assurer la sécurité des voyageurs? Globalement, le gouvernement actuel et puis le précédent ont décidé de investir beaucoup plus dans l'entretien du réseau existant. C'est la politique générale, c'est-à-dire on freine sur la création de lignes à grande vitesse et on met de l'argent sur le RER, sur les lignes TER. Ça, c'est une première chose. Et spécifiquement sur Exersheim, le bureau enquête accident, quand il fait son rapport, il émet des recommandations qui doivent être suivies à la fois par l'entreprise concernée, la SNCF, et puis le ministère de tutelle. Et donc, ça aboutit à revoir de fond en comble l'organisation des essais. Et là, en l'occurrence, ce qui va être assez net, c'est qu'on va sans doute arriver à avoir un chef unique des essais et plus cette cascade de délégation, de pouvoir entre SNCF Réseau, qui confie à Sistra, qui confie à Mobilité, qui confie à l'agence des essais ferroviaires. Je pense que ça va être simplifié. Voilà, c'est ça qu'on peut conclure en fait. Merci beaucoup Marc Fressoz. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des transports. Superfell a été foiré par Jean-Christophe, Francis piétiné par Anthony Thomasson et complètement raté par Anaïs Isabert. Superfell.